La nuit débute, le stream s'allume. Rider skill s'élève, la foule s'allume. Les viewers prêts, tous réunis. Dans ce flux, l'énergie unie. Pixels vibrent, écran s'éclaire. Message cool, atmosphère. Connexion rare, douce magie. Dans l'ombre claire, harmonie. In the dark, streams collide, souls unite. Together we ride the night. Chaque mot allume la nuit. Rider skill trace sa vie. Flirre teint ensemble lié. Ensemble on va briller. Ombreuse danse, cœur battant fort. L'énergie pousse encore. Sur Twitch, rider skill guide. Chaque instant est solide. Lumière danse, voix s'élève, victoire partagée s'entraîne. Rider skill, tiens la cadence au rythme. L'espérance, vibre sourire, vibre et chant partagé, souffle chaud, nuit chargée, chat en feu, lien créé, rider skill, roi du secret. Stay away, the night's alive, rider skill. Caresse les cœurs, un mot et un cœur. Émotion brille, pas du zip. Dans le court rythme monde, l'instant partagé compte. Rider skill respire, promesse inspire. Combat dur, passion vive, flamme ardente qui motive. Flaque puissante s'envole. Invitation claire, voix mêlée doucement, rider skill est mort. Stay away, the night's alive, rider skill. Mélodie fuit la nuit, amule l'ennui, âme vibre en unisson. passion, moment rare. Lumière, stream sincère. Chante fort, stream on, voix se lève, mains ouvertes.